pouvoir indéboulonnable en Biélorussie, c'est ce que vous propose Histoire Vivante. Dès maintenant, sur la première, jusqu'à 14h. Jean Leclerc vous propose en nouvelle diffusion Histoire Vivante. Finalement, ça servait à quoi d'avoir les libertés? C'est juste pour avoir plus de saucissons? Batka, le petit père. C'est comme cela que les Biélorusses surnomment Alexandre Loukachenko. Pour eux, des notions comme la liberté ou les droits de l'homme ne veulent rien dire. Ce qui leur importe, c'est l'ordre, le contrôle. Cette semaine, la Biélorussie. C'est vrai, c'est merveilleux, on dirait la Suisse. Théâtre et dépendance. Le Biélorussin, du point de vue de Moscou, est un paysan. Un pouvoir indéboulonnable. Élu président, il a fait adopter par référendum une nouvelle constitution, histoire de prolonger son mandat et d'élargir ses pouvoirs. Des milliers de personnes ont dénoncé ce dimanche la taxe dite sur les parasites. Toute la fin du 19e siècle a été terriblement violente sur ce territoire. Dans chaque commissariat, il y a un bourreau, un sadique local qui traite violemment les gens qu'on arrête. Comme on dit souvent ici, j'aimerais vivre dans la Biélorussie qu'il montre à la télé et pas dans celle du monde réel. Virginie Simaniek, voici pour ce deuxième temps de l'entretien. Vous avez rédigé, il y a déjà un certain temps, un travail que vous avez baptisé « Le théâtre inégalitaire de 1922 à 1937 », sous-titré « Histoire du système théâtral pyramidal et multinational soviétique ». Hier, nous évoquions une partie de votre travail qui... couronne notamment de 1880, donc période encore tsariste, puis progressivement pré-révolutionnaire à mesure qu'on s'approche de 1917, et à partir évidemment des premiers temps de convulsion en 1905, on va s'intéresser, puisque nous sommes obligés d'avancer à, sinon à grands pas, mais en tout cas à enjambées modérées, à ce qui se passe après 17. Plusieurs questions peut-être, puisqu'on a compris grâce à vous que les scènes théâtrales vont être présentes, mais à une condition, c'est qu'elles obéissent ou qu'elles soient l'illustration absolue de ce que le politique entend. Ce qui veut dire que s'il faut que le théâtre réussisse cette mission impossible, il faut lui construire un nouveau répertoire, il va falloir créer des systèmes de mise en scène, de représentation du théâtre, peut-être d'ailleurs aussi du coût du billet. Enfin, tout doit évidemment changer, on passe par une tabula rasa. Alors ça ressemble à quoi le nouveau décor ? Alors c'est un petit peu complexe parce que ça doit se mesurer dans le temps, étant donné que, par exemple, en France, en tout cas, on est tout à fait férus de l'idée que 1917-1918, il y a une révolution, c'est l'Union soviétique, point, voilà, tout est déjà fait. On est presque dans du déterminisme, c'est-à-dire que voilà, l'Union soviétique préexiste presque à sa fondation et à son développement. 1922, l'Union soviétique, voilà, faut-il le rappeler. Donc voilà, moi j'insistais au cours de mes recherches sur le fait qu'en tant que territoire, l'Union soviétique se construisait progressivement. Tout n'est pas gagné à l'Est, tout n'est pas gagné à l'Ouest, il y a des guerres permanentes aux frontières, et l'Union soviétique va mettre jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, voire un petit peu plus, à se structuré territorialement. Alors vous pensez bien que ça a des impacts évidemment concrets sur ce qu'on pourrait appeler une politique culturelle, par exemple, ou une politique théâtrale. Tant qu'on n'a pas conquis telle partie de la Tchétchénie, on va pas forcément aller y implanter un théâtre, qu'il soit russophone ou qu'il soit tchétchène, dit tchétchène. Et qu'est-ce que ça veut dire tchétchène? Quelle langue? Parce que là, il y a des populations qui ne parlent pas nécessairement la même chose ou qui ont des langues qui ne sont pas considérées comme étant normées. Or, au théâtre, ce qu'on veut, c'est de la langue normée. Donc, pour avoir de la langue normée, ben, vous avez par exemple en Biélorussie, c'est de là que j'étais partie, vous avez des gens qui, dès le 19e siècle, vont travailler à faire des propositions pour normer la langue, elles vont être plus ou moins retenues, mais c'est vrai qu'à partir de 1930, à peu près, 1933, vous avez par exemple en Biélorussie une réforme de la langue qui impose une norme, qui est la norme soviétique, on va dire, et on va voir que tout le théâtre qui s'était pensé avant doit être soit jeté à la poubelle, soit complètement repensé en fonction de cette norme linguistique. Peut-être un ou deux exemples concrets qui nous permettent de comprendre ce que c'est que normer une langue. Ça touche quoi? Les articles, les conjugaisons, les noms propres, les noms communs, ça touche l'ensemble de... Par exemple, dans le cas de la réforme de 1933, mais en plus ça n'a pas toujours été la même chose sur l'ensemble du territoire soviétique. En Biélorussie, en tout cas à Minsk, il y avait une nécessité de russifier la langue qu'on parlait. d'enlever des choses qui venaient du latin. Donc déjà, c'est le cyrillique qui prend le pas. L'alphabet cyrillique. Donc ça, c'est juste de la graphie, on pourrait dire. Sauf que quel type de signe on va choisir en cyrillique? Alors ça, c'est tout un débat. Et ça dure. Et si on choisit tel signe ou tel autre, alors on va privilégier tel son de la langue sur tel autre. Donc évidemment, on va modifier progressivement les sonorités de la langue. La langue va devenir, par exemple, peut-être un petit peu moins chuintante qu'elle ne l'était pour être approchée de la dureté de la prononciation, on va dire, russe, enfin du russe. La bonne, l'officielle. Et l'officielle. Donc il y aura un accent. Voilà. Après, on peut toujours... il reste une différence d'accent quand même notoire entre le biélorussien et le russe. Et donc on préserve aussi certains aspects, certaines différences. Ça ne veut pas dire qu'on éradique toutes les différences. Mais pourrait-on. Voilà, on ne pourrait pas, parce que sinon, quel est l'intérêt? Mais disons que si on veut créer un biélorussien littéraire, il ne faut plus qu'il soit proche du polonais, il faut qu'il soit plus proche du russe. Donc on va jouer à la fois aussi sur l'orthographe de certains mots. On va, par exemple, estimer que finalement, cette langue, elle doit s'écrire de manière phonétique. Tandis qu'en russe, comme en français, vous avez des lettres qui s'écrivent mais qui ne se prononcent pas. Mais si on ne les prononce pas, c'est bien la preuve que le russe et le français sont des langues absolument richissimes. Supérieures. Supérieures et donc très complexes à apprendre. Le biélorussien doit être simple à apprendre. C'est la preuve que c'est une culture paysanne et que c'est une culture inférieure. Donc vous avez des éléments d'idéologie qui, en prime, viennent s'intégrer dans la manière dont on construit, effectivement, la langue, qu'elle soit à l'oral ou à l'écrit. Et bien évidemment, quand vous faites du théâtre, avec quoi vous travaillez avec l'oralité en permanence. Donc vous imaginez quand vous êtes comédien dans les années 20-30 en Biélorussie. Laissez-moi réfléchir. Si pour jouer en biélorussien, il faut que vous en rabattiez sur votre accent polonais ou dit polonais dans les représentations qu'on se fait à l'époque, qu'effectivement tel ou tel texte disparaît du répertoire parce qu'il ne peut plus en termes de contenu être admis au Parnasse des textes soviétiques, et c'est un vrai problème. Parce que toute la fin du 19e siècle, à partir des années 1880 jusqu'en 1929-30, vous aviez eu tout un effort considérable de fait pour développer un répertoire en biélorussien. Mais c'est plus la bonne langue. Alors il faut changer. Alors du coup, les auteurs qui avaient œuvré à créer ce répertoire et donc un théâtre dit national biélorussien, constater qu'ils étaient dans le métro de retard. Ils sont censurés, ils sont isolés. Tout d'un coup, on les traite de nationalistes bourgeois. Leurs textes n'ont plus accès à la scène, mais il faut bien remplacer tout ça. Et on n'a pas les textes. Donc comment on crée un nouveau répertoire de toutes pièces, au fond, qui va correspondre à tous les critères? La langue, mais pas seulement la langue. C'est-à-dire que après, il faut se projeter en termes de représentation théâtrale. Tout ça, ça doit avoir une esthétique. C'est-à-dire qu'on a une esthétique des nationalités. Et l'URSS repose complètement d'un point de vue culturel sur cette esthétique des nationalités. C'est ce que j'aurais voulu pouvoir montrer, en fait, à l'échelle de l'URSS. C'est quoi, c'est-à-dire, l'esthétique? Une pièce de théâtre ukrainienne, vous aurez nécessairement un ciel bleu avec un tournesol, une maison en bois, parce que vous aurez des marques esthétiques de l'ukrainité dans la pièce, la manière dont on la représente. Les derniers textes d'archives que j'ai lus, qui étaient passionnants, c'était de voir comment Meyerhold, qui était un grand metteur en scène de l'époque, qui avait un pouvoir infini à un certain moment dans l'appareil et qui pouvait prendre des décisions, mal fini, mais avant de mal finir, il travaillait avec des commissions à Moscou pour déterminer qu'est-ce que ça allait être que le théâtre Rome. Est-ce qu'il fallait que les actrices aient des jupes larges qui puissent tourner, vous savez, quand elles dansent? Est-ce qu'il fallait montrer un feu, une roulotte, etc.? Et à partir du moment où on définit ces critères, donc vous avez la langue, vous avez le costume, vous avez le décor. À partir du moment où tout ça est défini, il faut intégrer un texte dans tout ça. Il faut le faire rentrer au forceps dans tout ça, ce qui crée des représentations de chaque nationalité. Bon, on pourrait dire une forme de monde à l'envers. Ah, complètement. C'est-à-dire qu'on part pas du réel, en fait. On part de la chaussette et on va essayer de sculpter le pied qui va aller dedans. Exactement. Quelle représentation ces gens ont des Biélorussiens à l'époque? Alors, il y aura forcément sur, par exemple, les grandes pièces, et ça, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Vous pouvez prendre une pièce des années 20, par exemple, Paulinka de Janka Kupala, qui est la grande pièce classique du répertoire national, y compris soviétique, qui était l'emblème du théâtre biélorussien, y compris du temps de l'URSS, mais qui a été écrite avant, dans les années qui ont précédé la mise en œuvre de... Alors celle-là, on n'a pas pu l'acheter. mais on l'a complètement remodifié. On a remis les tournesols, on a rajouté A rajouté des costumes folkloriques, alors que jamais Coupala a dit qu'il fallait jouer en costume folklorique. C'est écrit nulle part dans la pièce. Si vous prenez l'original, vous voyez que toutes les ponctuations ont été modifiées. Vous voyez que le final a été modifié. On en a fait un happy end alors que l'original est une tragédie. Enfin, vous voyez, on malaxe, on se dit quels sont les critères idéologiques, quels sont les critères esthétiques qui peuvent correspondre à cette culture des nationalités soviétiques qu'on veut mettre en œuvre, qui est fondamentalement inégalitaire. Oui, c'est ce que je cherchais à démontrer, bien sûr. Vous pensez bien que le théâtre rom n'est pas sur le même plan que le théâtre biélorussien ou que le théâtre russe. Manquerait plus que ça. Voilà, manquerait plus que ça. Mmh. Donc, il n'a pas un théâtre national et n'en aura jamais. Tandis que telle nationalité va pouvoir avoir un théâtre national, mais toujours en dessous du centre. Et ce qui va se passer à Moscou, en fait, Moscou est une sorte d'énorme laboratoire à l'époque de comment on peut penser tout ça. Alors, on envoie sur le terrain des gens de Moscou. Alors, ce sont des brigades qui vont aller prêcher la bonne parole à tel endroit, mais au fin fond de l'Union soviétique, mettons, je veux dire, chez les Maris, par exemple. Donc, on est plein Est. Et à cet endroit où on n'a pas de théâtre national, on n'a pas d'éducation nationale, on n'a pas de texte écrit, on va inventer d'abord une langue, ensuite un théâtre, mais un théâtre qui aura tel type de critères esthétiques. Et on va construire le bâtiment qui va avec. Il va falloir que les gens qu'on choisit pour jouer soient formés. Parce que ces gens n'ont jamais fait de théâtre. Donc, comment on va les former? Alors, certaines nationalités vont avoir le droit d'être formées à Moscou. C'est le cas des Biélorussiens. Mais pour d'autres, c'est pas la peine de les envoyer à Moscou. Donc, on va envoyer plutôt des formateurs sur place. Et donc, on va avoir des théâtres qui vont naître partout, dans tous les coins les plus reculés de l'URSS, avec des gens qui vont même jusqu'à faire 50 kilomètres par jour à vélo pour pouvoir faire des représentations. Mettons un jour, le lendemain, ils vont être 50 kilomètres plus loin. Ils sont suivis par un commissaire politique qui est là pour bien vérifier. Oui, pas par un masseur. Voilà. Et donc, ben, vous allez voir effectivement des Biélorussiens qui partent à vélo au fin fond de la Lituanie pour aller en même temps faire les récoltes. Parce que c'est bien que les acteurs, finalement, travaillent concrètement aussi. Et il faut bien payer tout ça. Donc, finalement, c'est un grand théâtre amateur qui sert un petit peu à tout, mais qui va avoir un impact, effectivement, sur la mise en œuvre de la cohésion culturelle soviétique énorme. Et moi, ce qui m'avait intéressé, et question que je n'ai jamais pu creuser, à laquelle je n'ai pas pu répondre, est-ce qu'il y avait un lien, finalement, est-ce qu'il y a eu un lien entre le moment où on dit, tout début de l'année 36, à partir de maintenant, c'est Moscou qui gère la culture sur l'ensemble du territoire soviétique, et les purges qui arrivent 6 mois après. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aurais souhaité. Y a-t-il causalité? Y a-t-il un effet de causalité ou pas? Est-ce que c'est simplement régional? Mais en quoi le fait d'avoir posé que Moscou prenait la main sur l'ensemble à ce moment-là, donc relativement tardivement, finalement, par rapport à la création de l'URSS en 1936, c'est pas en 1922, donc il y a eu du temps entre les deux. À un moment donné, oui, Staline dit à toute l'échelle de l'URSS, on doit avoir la même pensée de la culture soviétique. Et à partir de ce moment-là, voilà, qu'est-ce qui se passe dans un système où on avait déjà intégré la discrimination à tous les étages, en fait, un système culturel théâtral. Est-ce que finalement ce système détermine le massacre ou pas? C'est des choses que j'aurais aimé effectivement creuser, pouvoir chercher plus en archives. Bon, j'ai pas pu le faire pour des raisons tout aussi strictement idéologiques. On voit bien le poids de l'affaire, en fait. Virginie Simaniek, sachant qu'il s'agit d'aller porter le théâtre aux plus lointains confins de la désormais Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et vu l'étendue du territoire, on peut se douter que l'on croise ça ou là dans quelques routes vicinales ou petits chemins tortueux quelques analphabètes. Ça ne veut pas dire que l'espèce en général locale le serait, mais voilà. Alors comment on fait avec cela? Est-ce qu'ils sont pas invités à venir aux représentations? Est-ce qu'on les met dehors? Ou au contraire, on va faire en sorte que tout un chacun de 7 ans à 77 ans, comme dirait l'autre, puisse faire partie de ces cours de formation? Bien sûr. C'est tout l'enjeu, c'est comment former tous ces gens, et il y en a des millions, en fait. Ça n'avait jamais été tenté à cette échelle, en fait. Et à cette vitesse. Et à cette vitesse. Parce que la vitesse compte énormément, oui, là-dedans. Enfin, la, oui, problématique, oui, de la vitesse. Ah bah, dès que l'URSS acquiert un territoire, on se pose la question de savoir comment y implanter la culture soviétique. Donc, oui, on met les garages tout de suite. Voilà, tout de suite. Ouais. Et donc, à partir de là, bah, on se retrouve effectivement parfois dans des contrées où on se rend compte que les gens sont totalement analphabètes. Il n'y a aucune raison qu'ils sachent lire, écrire, et encore moins dans la langue qu'on va leur imposer, puisque la langue qu'on va leur imposer et qui va être normée n'existe pas encore de cette façon normée. Donc, voilà, c'est quand même une problématique. Il y a des raisons de ne pas savoir, voilà, la parler, en effet. Exactement. Et encore moins de la comprendre. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est de voir tous ces gens qui vont aller apprendre aux gens à parler leur langue. C'est-à-dire qu'on voit des formateurs arriver et dire aux Biélorussiens, bah, vous parlez votre langue de cette manière, parce que sinon, c'est pas... voilà. Attendez, là, il y a quelque chose qui nous échappe, Virginie Semeniak. C'est comment on fait pour étudier des situations pareilles? C'est-à-dire que vous allez nous dire, bah, figurez-vous, mon cher, que justement, il y a des archives qui racontent très bien tout ça. Absolument, tout est dans les archives. Alors, pour la Biélorussie, c'est un petit peu compliqué parfois, parce que comme le pays a été dans l'entre-deux, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais pas que, parce que la Première Guerre mondiale, on n'en parle jamais, mais ça n'a pas été franchement folichon non plus. Enfin, ce sont des situations extrêmement violente. Donc, beaucoup a été détruit à ce moment-là. Donc, les archives, certaines archives ont bougé. Mais, comme disait Bulgakov, les manuscrits ne brûlent pas et on retrouve quand même énormément de choses. Donc, voilà, moi, j'ai passé 15 ans de ma vie à essayer de suivre les traces. Et finalement, il reste beaucoup de choses à Moscou, en tout cas, qui ont été préservées à Moscou. Tout ça, voilà, on a des documents, des lettres, des correspondances, des archives de théâtre où on voit tel commissaire politique écrire qu'il faut faire ça comme ça et pas autrement. Voilà, et c'est... Oui, mais alors, entre... vous l'imaginez bien, évidemment. Ça fait partie de votre imaginaire, Virginie Semeniak, c'est que entre l'ordre écrit et puis le respect dans la vie réelle, il y a parfois un peu de latence. Nous sommes d'accord, et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que effectivement, c'est aussi ça qui permet de constater comment les gens, quelles ont été leurs stratégies d'évitement. Moi, j'aurais voulu voir ça. Ouais. Comment? Parce que forcément. Forcément, il y en a eu. Forcément, il y a des gens qui se sont opposés à ça. Forcément, sans il y a le dire, des... sans. Alors, sans le dire ou en, bon, le disant ou en prenant le risque de le dire, en intégrant le fait qu'ils étaient d'opposition. Bon, on voit très très bien. Enfin, on peut le vivre encore aujourd'hui. Hein, quand un régime très autoritaire se met en place, on a affaire à aussi des moments de politisation abusive des gens. Donc les gens tout d'un coup se voient qualifiés de politique, alors que pour eux, dans leur pratique, ils ne le sont pas du tout. Ils font juste leur métier et ils font ce qu'ils ont à faire, comme on dit. Et il y a forcément des gens qui intègrent aussi ce rejet et qui en font quelque chose. Donc moi, j'aurais aimé voir comment certains milieux se sont effectivement ont pu s'opposer à la mise en œuvre de cette politique et par quel biais, par quel moyen. Avez-vous, Virginie Semeniak, un ou deux endroits des archives que vous avez pu compulser, consulter? Et au passage, dites-nous d'ailleurs si l'ensemble de ces archives n'appartient qu'à un domaine dit public. Y a-t-il également là-dedans de l'archive privée? Avez-vous pu entreapercevoir justement une ou deux de ces stratégies d'évitement dont vous nous parliez? Oh ben écoutez, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Elle va, je pense, être assez parlante. J'ai cherché pendant plus de 10 ans un texte d'une actrice biélorussienne qui avait été formée à Moscou à un moment donné où j'étudiais ce qu'on appelait les studios biélorussiens de Moscou, justement. Comment des Biélorussiens sont choisis très jeunes pour aller à Moscou, être formés en tant qu'acteurs, pour revenir dans le pays et créer ce qu'on appelle un théâtre national, en fait. Hein. Donc, côté en biélorusse. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Comment, dans cette langue, tout d'un coup, alors qu'ils sont formés en russe à Moscou, hein. Ça aussi, c'est formidable. C'est-à-dire que, voilà, en même temps, ils deviennent russophones, mais ils vont jouer en biélorussien. Et cette actrice, une dame qui s'appelait Tatiana Bondarchik, a laissé un texte de témoignage sur toute cette période de formation dans les studios biélorussiens. Alors vous imaginez, c'était la perle à trouver. Ouais. Voilà. Et je comprenais de ce qu'on m'en disait que ce texte était extrêmement polémique et qu'il chargeait beaucoup les autorités biélorussiennes soviétiques d'avoir été si serviles vis-à-vis de Moscou qu'elles ont détruit beaucoup d'archives justement de ces studios. Et donc on était là face à une sorte de vide documentaire et je cherchais désespérément ce texte. Qui avait donc circulé. Qui avait donc circulé, qui était tout à fait connu, qui était censé même être publié, mais quand j'arrivais aux archives ou dans les bibliothèques, on me disait, niet, il n'existe pas, nous ne l'avons pas, nous ne l'avons perdu, nous ne savons pas où il est, etc. Ah, c'était une manière de reconnaître que le bouquin existait, mais... pas pour la petite française qui venait tout d'un coup, de quoi se mêlait-elle. Voilà, exactement. D'autant que ce texte était censé, encore une fois, être polémique, et donc quel type d'information et comment j'allais pouvoir interpréter tout ça, c'était pas bien. Et donc, voilà, j'ai cherché pendant 10 ans, j'ai fait des pieds et des mains, il m'est arrivé d'aller en Biélorussie pour rien, parce qu'on m'avait dit que je pourrais le trouver à tel endroit, et puis finalement, non, c'était un échec. Et finalement, un jour, j'étais à Minsk, à l'endroit où je vivais, et j'entends sonner à la porte, et je vois une petite dame que je ne connais pas, et qui me remet un texte dans un sac en plastique, et qui me dit « Est-ce que vous êtes Virginie ?» Mais non. Et je dis « Ben si, oui, je suis Virginie, alors c'est pour vous, mais de la part de qui ?» Je ne peux pas vous le dire. Et donc, cette petite dame est repartie, et quand j'ai ouvert le sac plastique, il y avait ce texte à l'intérieur. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que des gens me regardaient chercher, savaient que j'étais dans la difficulté par rapport à ça. Finalement, on considérait que j'étais peut-être prête à recevoir ce texte. Que voilà. Et c'est venu de façon privée, absolument pas par les archives. Et donc, je possède ce texte qui est absolument incroyable, ce témoignage, voilà, de façon tapuscrite, d'époque. Enfin, voilà, c'est... absolument incroyable. Donc voilà, ça se passe comme ça aussi, la recherche, parfois. Il faut montrer patte blanche. Et on ne sait pas comment les choses... enfin voilà, où vous allez pouvoir trouver des documents qui vous sont cachés par ailleurs. Donc il y a des luttes au-dessus de vos têtes quand on cherche. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui vous aident, il y a des gens qui vous bloquent. Enfin voilà, et vous êtes... tout d'un coup, vous recevez un texte dans un sac plastique, quoi. Mais précisément, au moment où vous avez feuilleté les pages... étaient-elles ces pages à la hauteur de ce que vous pouviez en attendre? Parce qu'évidemment, quand on attend 10 ans un texte, ou d'ailleurs n'importe quoi, pendant 10 ans, ça crée c'est clair. Un climat. C'est clair. Intérieur. Et d'abord, j'ai mis pas mal de temps parce que je ne revenais pas de ce qui venait de se passer, en fait. Et j'ai quand même d'abord essayé de poser des questions autour de moi, de savoir qui avait bien pu me faire ce cadeau, parce que c'est un grand cadeau pour un chercheur. Mais c'est vrai que... Il pouvait y avoir du polonium sur les feuilles, vous y avez pensé? Tout à fait. Ça pouvait le coup du parapluie bulgare, oui, pourquoi voilà. pas. Enfin, voilà. Ouais. Et en fait, quand j'ai plongé dans ce texte, toute la première partie du texte, je la connaissais très bien. C'est-à-dire que elle ne faisait que redire ce que j'avais pu trouver par ailleurs en archives sur des ambiances de travail dans le studio, qui faisait quoi, quel était le grand pédagogue de ceci, le grand pédagogue de cela. Enfin voilà. Donc tout ça était connu. Ce qui n'était pas connu du tout, c'était le, et j'ai compris pourquoi ce texte était si polémique, était le retour en Biélorussie. C'est-à-dire comment finalement tous les élèves, tous les étudiants qui sont partis à Moscou dans les années 20 pour se former, sont revenus en Biélorussie, ont été laminés en Biélorussie par ailleurs, parce qu'entre-temps la politique avait changé. Et il ne fallait plus effectivement que ce soit ces gens-là qui prennent en charge le théâtre en biélorussien, donc un gâchis humain absolument intégral. Formé pour être déformé. Formé pour être déformé, et formé par une figure qui a eu un impact secte énorme sur laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi, qui s'appelait Smichlaïev. Alors ce monsieur était haï par Stanislavski, justement un des grands metteurs en scène du théâtre russe de l'époque. Il avait lui-même voulu inventer son propre système et il était très très proche à certains moments de sa vie de Mikhaïl Tchekhov et d'autres théosophes, donc avec des idées qui allaient à l'encontre finalement des idées soviétiques. Quand on parlait de stratégie de résistance tout à l'heure, tout le monde au sein du théâtre soviétique n'était pas d'accord avec les critères idéologiques, et Stanislavski pas plus que d'autres d'ailleurs, hein, c'était pas voilà. Mais du coup, c'est vrai que lorsqu'ils sont revenus en Biélorussie, ils ont pâti de cette réputation assez sulfureuse qu'ils avaient d'être plus théosophes et finalement mystiques que communistes et marxistes. Et c'est ce qu'elle raconte, et elle raconte aussi comment, au moment de la Seconde Guerre mondiale, au prétexte des bombardements de Minsk, tout un pan des archives de ces studios ont disparu. Et elle termine en accusant finalement le pouvoir biélorussien soviétique d'avoir sacrifié et de tuer la culture locale. Voilà. Pour obtenir un blanc-seing du pouvoir central le plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, après ça, effectivement, on n'entend plus jamais parler de l'histoire de ces studios. On ne sait pas qu'il y a une réelle histoire théâtrale et culturelle dans ce pays. Et si vous regardez bien ce qu'on dit sur la Biélorussie encore aujourd'hui, c'est une sorte de page blanche. Hein. On n'a pas l'impression qu'on peut parler aussi aisément du simple fait qu'il puisse y avoir une histoire à cet endroit. Virginie Simonier, que nous allons conclure, mais vous nous disiez en début d'entretien hier que vous aviez désormais une activité d'éditrice. Vous voyez un peu où je veux en venir. Ce tapuscrit-là, vous en avez fait quelque chose ou alors vous le gardez précieusement et jalousement dans votre commode? Pour l'instant, il est gardé précieusement et jalousement parce que vous imaginez bien que en 15 ans de recherche, c'est en plus pas le seul de son acabit. Et c'est vrai qu'en tant qu'éditrice, j'avais envie d'autre chose. C'est-à-dire que j'ai passé quand même presque 20 ans de ma vie à crapahuter sur ces territoires, sur ces terrains, avec le sentiment aussi, en dépit de tout ce que j'ai pu trouver, d'un point de vue personnel, plus personnel, de bêcher une terre gelée en permanence. C'est-à-dire d'être confrontée à une histoire d'une violence inouïe, d'être moi-même parfois, en tant que traductrice ou chercheuse, le réceptacle finalement de cette violence, d'être traversée en permanence par cette violence, et pour pas grand-chose, c'est-à-dire que voilà, je suis dans un pays où on a beau être surdiplômé, être habilité à diriger des recherches, c'est pas pour autant qu'on a un métier, qu'on a un salaire, qu'on est reconnu, que voilà. Donc j'étais en train de mourir à petit feu de tout ça en fait, je pense, et puis je me suis dit qu'il fallait que je rompe. Changer d'atmosphère, comme dirait l'autre. Ce qui n'empêche pas d'avoir fait tout ce que j'ai pu faire en recherche par ailleurs, mais de voir les choses et de les prendre autrement, et de faire de toutes les difficultés qui avaient été les miennes, à la fois en Biélorussie vis-à-vis d'un régime politique quand même très autoritaire, à la fois en France vis-à-vis d'une recherche qui pour moi finalement ne l'est pas moins, finalement de faire quelque chose de positif enfin de tout cela, et de faire une ligne éditoriale donc de toutes ces difficultés que j'avais rencontrées. Votre maison d'édition, je le rappelle, s'intitule Le Ver à Soie. Les auditeurs qui ont été conquis, séduits par toutes ces anecdotes-là, non seulement vous les compterez bientôt parmi vos lecteurs fidèles, peut-être d'ailleurs vous presseront-ils à publier et éditer ces pépites que vous avez mis de côté. Ah, je vois que vous levez la main. Alors, vous avez 30 secondes pour votre défense. Juste pour dire que cette année, en 2018, Le Ver à Soie publiera le premier texte de prose traduit du biélorussien en français, un roman contemporain d'un auteur qui s'appelle Algerd Bakharevitch et qui s'appelle Les Enfants d'Alandrier. Virginie Simaniec, merci d'être venue au micro d'Histoire Vivante. Dès demain, nous poursuivrons cette semaine consacrée à la Biélorussie. Nous avancerons considérablement dans le temps puisque nous ouvrirons des dossiers politiques et géopolitiques contemporains. Merci encore. Merci à vous.